Samedi 6 septembre 2014. Bien que ce soit de ma part une démonstration de dévotion voltour assez notoire, j'ai le souvenir qu'à l'époque où je me faisais instruire par les remèdes de l'amour d'Ovide, j'ai compris le déclic qui peut assister à imaginer son ex, non pas l'ex amical, mais bien celle qui reste ennemie, en train de chier au WC. C'est à peine un repère dans le quotidien, aucune garantie n'est désormais liée au repère dans la quarantaine. Dimanche 7 septembre 2014, nous sommes donc juste au commencement du savoir sur l'âge classique, soit notre origine, cet temps qui ne vieillit pas. Selon nous rapporte à propos de l'orphisme Damasius, un des premiers principes. On se voit forcé de céder à la superstition finalement et l'on accepte d'entrer dans ces temps par la porte, on dirait presque si les mots finiraient par convenir, providentiel, de la nuit. Nous rebroussons chemin et nous cherchons dans les mystères et nous revoilà en distant des Grecs qu'on étudie, rêvant ensemble avec eux. Il faut rappeler alors, même si le temps où l'on habite n'est du tout propre à ça, que la justification du phénomène religieux dans un monde à venir ne serait donnée que par l'usage thérapeutique. La seule condition qui sera désormais requise pour l'entreprise religieuse est qu'elle soit thérapeutique. La demi-médecine sera la marge d'existence péremptoire du vivant. On est donc, à l'âge classique, en train de plonger dans l'entité théologique nuit. Il arrive que la nuit part chaque matin que l'on est en été, et où le jour gagne sur la nuit et qu'il est 6h30. Bientôt s'éclaircira le ciel, appelons cette pensée castrée première nuit. Mais si je pense être plutôt en train de finir l'écriture de mon livre, même le texte sera un pur aide-mémoire pour la parole. Si la Terre ralentit sa rotation, le nombre de jours de l'année des montres venant diminuer en nombre, mais s'intensifier un moment, puisse la rotation planétaire passer en second plan. Et disons que les vies seront des livres, que les livres sera une mesure ou mensuration de la, pour ainsi dire, durée de la vie, et que la planète entière sera artistique. Quelquefois, grâce à l'écriture, avec langue des livres, choix, les vivants seront des dieux au moment de mourir, grâce à leur œuvre. La gauche donnera des leçons à la droite, bref. La nuit des astres. Mais on perd la nuit, voilà que le trip est fini. Voilà donc qu'on redescend. On est notre propre Finnegan's Wake. Sous chaque maison des deux sœurs de Douai, il y aura peut-être d'innombrables moments, ou bien l'on pourra dire la vie s'endort le jour, ou vice-versa, les vieux voudront vivre la nuit, faisant guerre aux jeunes, quelquefois. Leur aveu si positif les condamnera à s'éteindre, et la longueur des phrases deviendra vite un compte à rebours. Le lecteur tenant son livre à la main, s'il a les forces, s'il n'est pas déjà accompagné des anges du purgatoire, devra prendre ensemble et imiter la nouvelle machine. Que la lecture passe à être un sport, suffirait dans une société blanche pour évacuer les vieux. Bien au contraire, Lecture et écriture deviendront l'apanage aussi bien des vieux que des jeunes. Mais les modèles paradisiaques, et même au purgatoire, la chose écrivante nommée Dante saura ne pas faire lire son dessin ectute aux jeunes. J'ai comme un souvenir de mon oncle Joaquin ou encore un autre dans la même branche habillé en cravate à la plage. Et comme dit un ami musicien, le pape parlera de Freud. La pluie pourra faire l'objet de condamnations par absence ou par dommage et intérêt, par voie administrative, pénale, si le temps est un temps de dictature, car par des sortes d'ordalie, l'on cherchera toujours des coupables. Cette mission des traîtres à la classe, qui était dans la vision de la transition pour les professeurs réactionnaires, la mission de surveillance du délégué des classes, et que moi j'ai trouvé assommante, n'est rien d'autre, in fine, que la mission diabolique des démons chez Dante. Et c'est aussi cela, la catharsis, la propriété médicinale du sacré, artistique, et pas ou pas reconnu comme tel. Conféro Giorgio Colli, la sagesse grecque Orphée, Olympiodore, commentaire sur les Phédons de Platon, page 82, et ils s'accompliront des rites secrets aspirant à la libération des ancêtres scélérats. Mais toi qui assures sur eux ton empire, ce que tu choisiras, tu les délivreras des âpres tourments et de la passion effrénée, c'est-à-dire tu les cureras. Conscient ou inconscient par l'écriture, on dirait que pour Dante, Béatrice est le prénom du lecteur, et finalement c'est la lecture de la censure, comme chez Klossowski, qui fait l'air doucement sévère, adulte et androgyne de Roberte l'épouse. Ce qui fait le stigmate inconscient du fumeur est qu'il est un mangeur de feu, ce qu'on appelait salamandre dans les domaines spirituels. Mais le fumeur est un phénomène d'une société déjà récompensée par l'injustice, et chercher à résoudre à travers l'art les injustices est fatal pour l'artiste, car l'héroïsme est quelque chose d'assimilable au symptôme. L'héroïsme est la pertinence du symptôme, sans rentrer forcément dans la divinisation lacanienne et ou propre à la folie dans l'analyse lacanienne. Le sujet sera responsable non seulement de sa conduite envers les vieux, adultes et enfants, plus animaux et végétaux, mais aussi envers les anges et les intelligences artificielles. Pour les fumeurs donc s'installe la compulsion dès qu'il ne se remet de sa culpabilité qu'en fumant encore. Il se peut qu'un complexe ait conditionné cela, mais le complexe, c'est la vie. Et n'oublions pas la valeur symbolique de la salamandre. La fumeur fatigue ses poumons, c'est le moins qu'on peut dire, mais qui ne fatigue pas le corps, qui soit en bonne santé, à commencer par le cerveau et sa plasticité fatale. Conféro Catherine Malabou, philosophe française et enseignant à Berkeley, qui les différencie des nouvelles machines